est 7h. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette matinale. Et oui, il est 7h et on démarre la matinale. Nous sommes aujourd'hui le mardi 20 mars et nous fêtons les Alexandrins. Excellente journée à vous. Alors au programme de cette matinale, tout à l'heure, dans moins de 12 minutes, la météo. La météo, c'est important pour savoir comment s'habiller cette journée. Ensuite, nous irons au cinéma, figurez-vous, voir les programmes. Une sortie en famille, ça peut être, ma foi, aussi fort intéressant. Et c'est bien de pouvoir le planifier, donc nous irons au cinéma local. L'info insolite est là également, il y a toujours des gens qui sont disposés à faire les plus grandes bêtises et on les retrouve dans l'info insolite du jour, dans cette matinale du lundi au vendredi. Ensuite, eh bien c'est l'horoscope. L'horoscope, c'est important aussi pour beaucoup d'entre nous de savoir ce qui risque de se passer, même si tout à fait entre nous, on n'y croit pas tellement. Mais il sera là quand même, signe par signe. Retour de la météo un peu plus tard, vers 8h15, il y aura aussi l'éphéméride. L'éphéméride, ça nous permet de nous replonger dans les événements importants des années précédentes. Le record du jour, le record insolite du jour. Alors au choix, le record insolite ou la blagounette. La blagounette, vous pouvez la replacer tout au long de la journée, et pourquoi pas au bureau. On verra ça tout à l'heure, ce sera à 8h45, 15 minutes, donc avant la fin de cette matinale. La musique ici ne s'arrête jamais. Mais retour dans 12 minutes, je viens de vous le dire pour la météo. En attendant, le meilleur de la musique qui reprend ses droits et c'est pour vous. Hey brother, there's an endless road to rediscover. Know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother. Do you still believe in love, I wonder? Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. What if I'm falling?